Bonsoir, chers fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal, la dernière édition de cette soirée. Tout d'abord, les titres. Le parti RANAC, Rassemblement National pour le Changement, se dit prêt à participer aux élections de 2020. Le président de cette formation politique l'a dit ce samedi à Gitega, tout en exigeant le rapatriement des réfugiés burundais. Et le gouvernement du Burundi a prévu un fonds d'impulsion et de garantie de 3 milliards de francs pour appuyer les initiatives des jeunes pour lutter contre le chômage. Et vous entendrez le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwa. Et la société Café École qui n'ont pas rapatrié les devises au pays ne seront pas éligibles dans la prochaine campagne Café de 2019-2020. Voilà pour les titres. Albert Ndouayo est à la manette édition. Moïse Misago, la présentation, l'audio. Nous vous disons bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par la page politique. Le président du parti politique RANAC, Rassemblement National pour le Changement, dit prêt à participer aux élections de 2020. Cependant, lors d'une réunion de ce parti de valider l'Assemblée des représentants nationaux, ce samedi à Gitega, le président de cette formation politique demande au gouvernement burundais de rapatrier les réfugiés burundais et les hommes politiques, tout en insérant les membres de l'opposition dans la commission électorale nationale indépendante et ce démembrement, les détails avec Gérard Nibigira. Aloïse Barichako, président du parti politique Rassemblement National pour le Changement, RANAC en abrégé, affirme que ce parti se présentera aux élections de 2020. Nous sommes entendus que nous devons organiser un congrès au mois de juin, lequel congrès va nous mettre en place une commission chargée d'organiser des élections internes et comment participer aux élections à venir qui sera organisé au niveau national. Nous sommes entendus sur le fait qu'il faut choisir un candidat qui doit représenter le parti RANAC aux élections présidentielles. Cependant, il propose au gouvernement un certain nombre de choses pour que ces élections se déroulent bien. Pour qu'il y ait des élections inclusives, il faut que les hommes politiques qui sont à l'étranger puissent rentrer pour participer aux élections à venir. Aussi, les réfugiés qui sont à l'extérieur, il fallait qu'ils soient ici. Ce sont des Burundais qui ont à dire. Et il y a des médias tels que la radio Bonheur FM où nous voyons qu'il faut réouvrir ce médium pour que la population puisse être informée à chaque instant. Et l'espace politique doit être libéralisé. Il faut également que la CENI, qui est maintenant une CENI où toutes les composantes sont presque proches du pouvoir, cela a été fait, mais nous avions voulu que ce soit une CENI qui rassemble plusieurs tendances. Le président du RANAC a tenu ses propos à Gitega ce samedi lors d'une réunion de son parti dont l'objet était de valider l'Assemblée des représentants nationaux. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Un fonds d'impulsion et de garantie pour les jeunes de 3 milliards de francs bout est prévu pour cette année en cours afin de financer les projets des jeunes dans le but de lutter contre le chômage. L'annonce est du porte-parole du président de la République lors de l'émission publique ce vendredi à Mwaro. Jean-Claude Karegwa explique toutefois que ces jeunes doivent se rassembler dans les coopératives. On l'écoute. Ce n'est pas une banque. Dans son discours à la Nation de 2019, le président de la République a dit que dans la prévision budgétaire de cette année, figure un montant de 3 milliards pour appuyer les jeunes via les fonds d'impulsion et de garantie. Il a dit que ce fonds de 3 milliards sera destiné à des jeunes regroupés dans les coopératives. Ce fonds sera octroyé comme un crédit à faible taux d'intérêt. Et chaque année, dans l'avenir, son montant pourra augmenter afin de lutter contre le chômage des jeunes, ce qui permettra d'augmenter le nombre de contribuables. Cette décision du président est l'un des volets du programme national de développement. Pour le moment, les jeunes se rassemblent dans des coopératives. Par ailleurs, nous vous supplions de les aider à constituer des coopératives fortes qui les aideront à sortir de la pauvreté. Après la création de ces coopératives, les ministres concernés pourront alors analyser les coopératives qui pourront être financées, car ce ne sont pas toutes les coopératives qui bénéficieront de cet appui. Seront financées celles qui sont capables capables. Ces derniers utiliseront ce fonds puis rembourser pour faire une chaîne de valeur. Ce fonds pourra dépasser ces 3 milliards si je ne me trompe pas. C'était Jean-Claude Karegwa, le porte-parole du président de la République, traduit en français par Charles Makoto. Et les sociétés qui n'ont pas honoré leurs engagements par rapport au paiement des producteurs ne seront pas éligibles pour la prochaine campagne café de 2019-2020. Cela fait partie d'une série de mesures prises par le ministère de l'Agriculture en vue de préparer la prochaine campagne café. Les autres sociétés et coopératives qui sont touchées par cette mesure sont celles qui n'ont pas rapatrié les devises lors de la campagne café 2017-2018. Suivez le ministre Deogui Derurema, c'était lors d'une conférence de presse sur le déroulement de la campagne café en cours ce jeudi. Des mesures visant à bien préparer la prochaine campagne café ont été prises et les sociétés qui n'ont pas honoré leurs engagements par rapport au paiement des producteurs campagne 2018-2019, au paiement de la taxe communale café et au rapatriement des devises campagne 2017-2018 ne seront pas éligibles pour la prochaine campagne 2019-2020. Ainsi, les coopératives et les sociétés CIAPRE ont été rayées de la liste. Coopératives Tugarukire Igitegwa Chikawa, coopératives Niziwacu, coopérative Dutezimbere Igitegwa Chikawa, coopérative Garukirikawa, coopérative Kerebuka Murimyi Wikawa, société Kipisi CPC, société Rideco, société Établissement Niyonzima, société Liska. Concernant la campagne 2019-2020, des stratégies ont été envisagées pour réussir la prochaine campagne café 2019-2020. Ceux qui veulent intervenir dans cette campagne doivent respecter scrupuleusement les recommandations suivantes. S'engager à payer aux producteurs le prix minimum de 500 francs par kilo de cerise. Présenter l'attestation de la capacité financière délivrée par la banque. Signer l'acte d'engagement de payer les producteurs suivant le calendrier préétabli, c'est-à-dire au plus tard le 5 juin 2019 pour le premier paiement et le 15 août 2019 pour le second paiement, sans oublier le paiement de la taxe communale avant le 31 mars 2020. Isanganiro, la radio. À 18h10 dans l'issue de la radio Sanganiro, poursuivant cette édition, certains habitants de Gasekeouyerira disent être menacés des eaux en provenance de la colline Nyakizu et se déversent dans les rues pendant la saison pluvieuse. Ces habitants l'ont exprimé ce samedi lorsqu'ils essayaient de couvrir les parties des avenues de ce quartier endommagé par l'érosion. Ils demandent aux autorités habilitées de réhabiliter ces pistes. Ornella Mucho avec les précisions. Ces personnes du quartier Gasekeouyerural retrouvées en train d'essayer de réparer certaines parties proches de la colline Nyakizu disent que les eaux pluviales débordent les routes faute de manque de caniveau. Témoignage de Caritas Naïmana, l'une des résidents de Gasekeouyer dit rural. Nos rues qui sont sous menace importante d'eau, nous affectons en quelque sorte une partie de ce qu'on a comme revenu pour entretenir ces rues. Doyedzou Espérance, une autre retrouvée sur place, indique qu'ils utilisent des moyens pour réparer ces endroits, une solution qui n'est pas durable. Par ménage, on cotise chaque mois pour pouvoir acheter des graviers à répandre dans des parties les plus menacées, mais en vain. Car à chaque fois que la pluie tombe, tout s'écroule et ça recommence à nouveau. Elle demande aux autorités de leur venir en aide avant qu'il ne soit tard. Nous ne croyons pas qu'on est à l'état où il faut un déménagement. Les activités qui se font au cours de cette journée, il est possible que les maisons soient protégées, que les habitations soient maintenues. Nous demandons qu'on fasse un projet de reboisement, deuxièmement un projet de pavage qui pourrait nous aider à canaliser cette eau qui descend des collines sur Pomba, la ville de Bujumbura et la partie Gasekebouye rurale en particulier. Les habitants de Gasekebouye craignent que si rien n'est fait dans l'immédiat, la situation risque d'être catastrophique comme dans d'autres quartiers de Bujumbura. Merci Ornella Mucho. Quittons Bujumbura vers le sud-ouest du pays où les personnes qui sont attribuées des parcelles à bâtir dans le cimetière de la ville de Rumonge doivent déménager et leurs attributions annulées. Cela est l'une des décisions du conseil communal de Rumonge dans sa réunion de ce vendredi après la présentation par la commission juridique de l'état des lieux de la séquestration des parcelles domaniales par des particuliers. Les précisions avec Jean-Pierre Misago. Selon un rapport fourni par la commission juridique du conseil communal de Rumonge, des propriétés domaniales, cimetières y compris, sont la cible de certaines personnes qui y érigent même des maisons d'habitation, comme tel est le cas pour le cimetière de Mugomere dans la ville de Rumonge. Dans sa session de ce vendredi, le conseil communal de Rumonge a jugé cela inacceptable et ces constructions doivent être démolies afin de faire respecter le patrimoine communal. Pour ce qui est de cimetière, ici à Mugomere, on a remarqué qu'il y a des gens qui se permettent d'ériger des constructions au sein même du cimetière. Et donc ça, on a jugé inacceptable que ce genre de construction puisse continuer et de recommander à la commission de faire un état des lieux afin que des mesures adéquates soient prises pour que, effectivement, le patrimoine de la commune puisse revenir entièrement à la commune et enlever toutes ces constructions qui ont été érigées de manière illégale. Environ 40 hectares de ce cimetière étendu sur 3,7 hectares sont déjà occupés, selon David Mukanya, président de la commission juridique du conseil communal de Rumonge. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Toujours dans cette province, 5 personnes, dont 3 hommes et 2 femmes, tous de la colline Gachacha en commune et province Rumonge, sont retenus au cachot de la police de Rumonge depuis ce vendredi. Ils sont accusés de produire, de consommer et de vendre la boisson prohibée Kanyanga et le chanvre. Leur arrestation est intervenue après la saisie de 560 litres de cette boisson, plusieurs boules de chanvre et objets servant à la fabrication de cette boisson lors d'une fouille organisée ce vendredi matin. Quittons le sud vers le nord-est où la célébration de la journée de la femme est aussi une occasion de faire une auto-évaluation des femmes par rapport à certaines attitudes. C'est l'avis des différentes autorités à Muyinga ce vendredi lors de la célébration de la journée dédiée à la femme au niveau provincial, n'est-ce pas, Diedone Nzeimana? Si les femmes prennent généralement les devants en matière de cohabitation sociale, certaines attitudes sont à décourager. Philippe Nyiramihigo cite ici l'abandon de famille. Ce jour, nous croisons des hommes abandonnés par leurs femmes, cherchant de l'emploi dans d'autres pays et le motif avancé. Mais en réalité, il y en a qui trompent leur mari et partent se remarier. Aline Mani Labarusha, gouverneur de la province de Muyinga, insiste à son tour sur la pertinence de s'approprier la politique nationale de protection sociale et fait aussi un clin d'œil aux femmes. Elle pointe du doigt les ivrognes, ceux qui s'habillent de manière indécente, ceux qui ont un mauvais comportement au ménage et induisent les époux dans la débauche ou encore celles sans propreté vestimentaire et corporelle. Nous réclamons souvent 50% de participation dans les institutions, que ce soit mérité de par nos comportements exemplaire, lance la présidente du Forum des femmes en province Muyinga, Denise Ndaruhekire. En pleine fête dédiée à la femme, c'est le tour aussi d'encourager par des cadeaux les ménages avec un comportement dit exemplaire, dont des familles qui ont accepté de supporter la charge des enfants abandonnés par leur mère. De Chumba, de Denise Imana, Radio Isanganiro. Et avant de boucler cette édition, les commerçants du poisson dit Thompson de la province Bubanza se lamentent du manque de clients actuellement suite aux rumeurs autour de ce produit. Des gens disent que ce produit importé de la Chine aurait des conséquences sur la santé humaine, ce qui est démenti par les importateurs de ce produit qui ont effectué une descente ce jeudi à Bubanza pour apaiser la situation. Space Cartes Kabanyana correspondance. Ces commerçants disent qu'ils ont actuellement des problèmes à pouvoir écouler ces poissons appelés Thompson suite aux rumeurs qui font peur aux clients, comme le précise cette commerçante. Thompson va évoquer un avis grossier, que vous devez tout manquer à clients de consommer. Edouard Kabulo, chargé du marketing et de vente de ces poissons dans l'entreprise Urukundo Investment, précise que ce n'est qu'une contre-campagne faite par les commerçants de moukéké et de viande. J'ai entendu ces brouhaha, que je peux dire le brouhaha, à travers seulement la province de Bubanza. Suite, il y avait une mal incompréhension et mal interprétation des choses sur le marché. Parce que les poissons étaient non connus. Alors, à l'arrivée sur le marché, il y a les gens qui vendent les poissons en provenance du lac Tanganyika, c'est le Ndagara et le Mukiki. Maintenant, ces derniers temps, le Thompson a été vendu plus que les poissons là qui viennent du Tanganyika. Maintenant, les gens qui vendaient de la viande et de Ndagara, ils ne le vendaient pas parce que le Thompson était au moins au zénith sur le plan du marché. Alors, ils ont fait seulement une mauvaise campagne pour que le poisson Thompson ne puisse pas se vendre. Edouard Kabulo appelle la population à consommer ce poisson appelé Thompson sans inquiétude et ajoute qu'il est même commercialisé dans d'autres pays sans problème. J'interpelle maintenant la population burundaise à travers la République de dire que c'est un bon poisson. N'écoutez pas les brouhaha qui viennent par-ci, par-là. C'est le marché qui est en train de se faire et la concurrence du marché entre la viande, les moukéké ainsi que les Thompson. C'est un bon poisson qui vient de l'extérieur de l'océan Pacifique. C'est vendu à Kinshasa, à Johannesburg, à Dar es Salaam, au Congo, Kinshasa, au Rwanda ainsi que au Burundi, maintenant, les poissons là est arrivé. C'est pour cette raison que les importateurs de ce poisson à partir de la Chine étaient à Bubanza ce jeudi pour calmer la situation et tranquilliser et les commerçants et les consommateurs de ce produit. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kabanyana. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Albert Ndouaye pour sa collaboration technique. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous suivez. Un dialogue de sourds, titre le groupe de presse Iwacu. Violation des droits de l'homme, élection de 2020, rétrécissement de l'espace politique. Tous ces sujets sont passés sur la table du Conseil des droits de l'homme, rapporte notre confrère Iwacu. Bujumbura, comme à l'accoutumée, crie au complot visant à déstabiliser ces institutions. Alors que les trois experts onusiens de la commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Burundi, présidée par le Sénégalais Dodo Diène, constatent que la situation des droits de l'homme au Burundi reste préoccupante, l'ambassadeur du Burundi à Genève, Renova Tabu, clame plutôt une commission vendue. En réaction des défenseurs de droits humains, écrit toujours Iwacu, Lambert Nigarura parle du rapport conforme à la triste réalité sur la persistance des violations graves des droits humains au Burundi, avec l'annonce des échéances électorales tendues, poursuit-il. Mais du côté de Puisque Burundi, l'espace politique est libre, en témoigne l'agrément du parti CNL d'Agathon Rwasa, justifie Hamza Venan Wurikukiye, porte-parole de cette organisation. Pour lui, ce rapport onusien contient des globalisations, transcrit l'hebdomadaire Iwacu. L'Union européenne offre plus de 3 millions d'euros pour booster les exportations. C'est sous ce titre que le Burundi Echo annonce dans sa parution du vendredi 15 mars que le programme d'amélioration de l'accès au marché, Market Access Upgrade Program, prévoit le soutien financier de la part de l'Union européenne européenne pour un montant de 3680 millions d'euros. Le but ultime de ce vaste programme est de soutenir les secteurs du thé, du café et de l'horticulture au Burundi pour accroître les capacités d'exportation vers l'Union européenne et l'Afrique de l'Est. Ce journal relève que pour les institutions publiques et privées, le problème majeur du café, du thé et d'autres produits horticoles burundais est la non-compétitivité et l'accès difficile au marché des autres pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est et surtout de l'Union européenne, ce qui est dû à la non-conformité de ces produits aux standards internationaux et à l'exigence des mesures sanitaires et phytosanitaires. Ce journal énumère les différents domaines d'intervention de cette infrastructure et révèle qu'elle fournira aux entreprises les services adéquats de normalisation, inspection, analyse, certification et métrologie. Les laboratoires de BBN, CNTA, ISABU, ARFIC et autres ont besoin d'être améliorés. Ils recevront des équipements qui leur permettront de servir le secteur du café, du thé et des produits horticoles avec des analyses appropriées. Revue de la presse. Enet Press fait état d'un mouvement impressionnant de départ des trois camps de la Tanzanie vers d'autres pays limitrophes, même si l'effectif des exilés n'est pas encore connu. Ce journal rapporte que ces Burundais ne se dirigent pas vers le Burundi et commente en disant que c'est un signe que la Tanzanie voulait les rapatrier de force. Son confrère en ligne précise que ces réfugiés quittent les camps de Nduta, Nyarugusu et Mtendeli et vont au Rwanda, d'autres en Zambie, en République démocratique du Congo, voire en Afrique du Sud, et surtout qu'ils sont pour la plupart des jeunes. L'agence burundaise de presse rapporte des cas d'escroquerie signalés dans la direction provinciale de l'enseignement de Bujumbura, où le directeur provincial tire la sonnette d'alarme et prévient les enseignants volontaires et chômeurs afin qu'ils ne tombent pas dans le piège d'un escroc qui se fait passer pour un agent du ministère de l'Éducation, aimant qu'il peut aider quiconque voudrait se faire embaucher, moyennant une récompense variant entre la somme de 300 et 500 000 francs burundais. Cette autorité précise dans les colonnes de la BP qu'aucun engagement n'est en cours dans cette province et que même si nécessité y avait, on ne ferait que remplacer ceux qui partent pour la retraite, ceux qui sont décédés ou désertent le service avant d'insister que l'engagement se fait de façon officielle. Et pour terminer cette revue de presse, l'achat de préservatifs est-ce une affaire d'hommes seulement, s'interroge le collectif de blogueurs Yaga. Notre consoeur de Yaga trouve qu'au Burundi, comme dans la plupart des pays africains, il est difficile pour les femmes d'assumer leur sexualité. La culture, la peur du jugement, le poids du regard, de la religion, sont entre autres les freins à cette affirmation de la sexualité féminine. Une jeune femme non mariée qui assume avoir des relations sexuelles est déjà mal perçue. Imaginez alors celle qui va acheter des préservatifs. Elle est de suite taxée de prostituée, fille facile, mal éduquée, de mœurs légères et j'en passe. Constate cette blogueuse. Mais entre prendre le risque de tomber enceinte, d'attraper de vilaines maladies et prendre sa vie en main, penser à soi, prendre le temps et son courage à deux mains pour aller se procurer une protection, le choix est clair pour cette blogueuse de Yag. Ainsi se referme cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Jean-Bosco Nduwimana, Eli Nibel Nibigira. Bon week-end à tous. Au revoir. Revue de la presse.